sommes sur le quai de Rive-Neuve à Marseille. Une petite foule assiste au départ d'un grand voilier. C'est la Malaisie, un trois-mâts océanographique qui part pour les mers du Sud. Un remorqueur tout noir l'entraîne pendant que les gabiers sur les vergues commencent à déployer les voiles. Ce navire emporte Marius, le fils de César, mais son père ne le sait pas. Il vient de paraître à la fenêtre du premier étage au-dessus de la terrasse de son bar et il appelle son fils qu'il croit mêlé à la foule des curieux. Marius ! Marius ! Montre-moi la bouteille de rhum, la petite est malade ! Allez, Marius, monte ! Où il est, ce petit, bon Dieu ? Oh ! Oh ! Viens, Marius, de monter, allez, go, monte ! Marius ! Il se retourne soudain vers sa chambre et prend dans ses bras la petite Fanny, qui s'est évanouie. Il l'emporte chez sa mère Honorine, qui habite tout à côté du bar. Une foule de curieux les suit. Ouvre-moi la porte de la chambre, au lieu de faire un scandale. Et toi, fous-moi tous ces gens-là à la porte, monsieur André, toi. Et toi aussi, ramasse ces imbéciles-là. Allez, chez vous, règne. Allez, chez vous, règne. Petite Fanny, un petit peu. Mais sérieux, alors, Norine, vous faites pas du mauvais sang, ma belle. Là, c'est... Là. César dépose Fanny sur son lit. Ma Fanny. Mais sérieux, elle va mieux, oui, hein. Dans la cuisine d'Honorine, il y a Panis, Escartefigue et sa femme Fortunette, qui est une belle rousse toute frisée. Mais qu'est-ce qu'elle a eu, cette petite ? Elle s'est évanouie parce que la Malaisie est partie. La Malaisie ? Oui, le trois-mâts blanc, qui part ce matin pour l'Australie, pour 5 ans. Et alors, la petite s'est évanouie parce que ce trois-mâts est parti pour 5 ans ? Oui, monsieur, parce que sur ce bateau, il y a Marius. Marius est embarqué ? Oui, monsieur. Marius ? Le fils de César ? Oui, madame, et la petite le sait. Et César, lui, est-ce qu'il le sait ? César ? Il ne s'en doute même pas. Oh, coquin de sort. Eh bien, ça va faire une belle musique. Le premier qui va rencontrer sera bon comme un melon. Tu parles. Pour lui, c'est une véritable catastrophe. Je me demande comment il va tenir le coup. Machine arrière à toute vapeur. Viens, Fortunette. Escartefigue et sa femme prennent la fuite. César sort de la chambre. Ben voilà. Ça va bien. Oh, voilà, on va les yeux, le parle. Ce sera rien, quoi. Oui. T'as pas vu Marius, toi? Non, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. T'as dû rencontrer un collègue, là, sur les allées, il fait la causette avec lui. Oh, mais aujourd'hui, je dirais rien, c'est un trop beau jour. Je peux bien te le dire, à toi, maintenant, c'est presque officiel. Eh bien, les enfants vont se marier, oui. Ah, c'est très bien. Ah. C'est très bien. Seulement... Hein? Et seulement quoi? Eh bien, je veux dire que ce n'est pas une très grande nouvelle, puisqu'on s'y attendait depuis longtemps. Ça me fait quand même une joie dont tu n'as pas idée, Honoré. Ma vie va recommencer. C'est comme si c'était un peu moi le fiancé. Et puis qui sait, peut-être dans un an, là. Attends, on va bider, quand tu trottes, des pimes. C'est pas beau, ça. Ah, oui, oui, oui. Oui, c'est beau. Oh, bah, ça dépend des goûts. Dans le fond, on peut très bien vivre sans ça. Oh, je t'en prie, Honoré, ne fais pas la gueule, alors, mon Dieu, quoi. Oh, je sais très bien ce que tu penses. Tu ne peux pas oublier que dans un jour de folie, tu as demandé toi aussi la main de Fanny. Oh. Alors ce mariage te contrarie, te chagrine. Mais non, César, ce n'est pas ça du mais tout. Mais si c'est ça, mais si, je le vois bien, tu souffres, tu es malheureux. Allons, voyons, ma vieille. Allez, dans la vie, il faut être fils à l'offre. Oui. Ben, qu'est-ce que tu veux, quoi? Les jeunes femmes vont aux jeunes hommes. C'est la loi de la nature, ça. Faut savoir se résigner. Se résigner, tu as raison, César. C'est une belle parole que tu viens de dire. Il faut se résigner à ce qui est fait. Mais voilà. Il faut se dire, c'est arrivé, et bien ça devait arriver. Ouais. Et puis quand on a des amis, ou seulement un bon ami, on sait qu'on a quelqu'un qui fera de son mieux pour vous consoler et pour adoucir le coup avec tout son cœur. Tu es bien touché, mon pauvre vieux. Oh non, moi, ce n'est rien. Non, je veux dire que toi, par exemple, si un jour le destin te réservait un grand chagrin, tu trouverais près de toi ton vieux Panis qui partagerait ta peine. Mais tu es brave, merci, Honoré. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de malheur, il n'y a que de la joie à partager. Oui. Honorine entre soudain, digne mais furieuse. Monsieur. Madame. Après ce qui vient de se passer ce matin, et malgré l'absence de monsieur votre fils, j'exige que vous me demandiez immédiatement la main de la petite. Bon. César se lève solennellement. Madame, quoique ça ne me fasse pas plaisir, étant donné la différence de fortune et de situation... Comment? Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Je vous demande pour mon fils Marius, la main de votre fille Fanny. Eh bien, monsieur, quoique ça ne me fasse pas plaisir non plus, d'ailleurs pour les mêmes raisons, mais tout à fait en sens contraire, je vous accorde la main de la petite, mais je le regrette de tout mon cœur. Et maintenant, vous allez me dire pourquoi vous l'avez fait évanouir dans votre bar. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ben, je n'ai rien fait, alors, Norine. Figurez-vous d'être à la place de la petite, hein, fille d'une veuve. Je vous le reproche pas, puisqu'en somme, ce n'est pas vous qui avez tué votre mari, mais enfin, fille d'une veuve, c'est-à-dire sans homme dans la famille, n'est-ce pas? En plus, pauvre. Qu'est pauvre? Laissez-moi parler, fille d'une veuve est presque misérable. Tout d'un coup, on lui apprend qu'elle va épouser un garçon superbe, mon fils, qui sera propriétaire d'un bar magnifique, le mien. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, hein? Eh bien, de joie, elle s'évanouit, mais c'est naturel, ça. Eh oui, c'est naturel. Et puis, nous devons être tellement honorés d'entrer dans votre famille. Et puis, nous étions tellement pauvres que nous vous avons attendu pour manger, pas vrai? Je ne veux pas dire, évidemment. Vous ne voulez pas le dire, mais vous le dites tout de même. Eh bien, il y a bien de quoi s'évanouir de joie pour la plus jolie fille du port de Marseille, parce qu'elle épouse le fils du maître-quai. Fanny, pâle et dolente, vient de paraître sur la porte. Eh, regarde le beau-père que tu t'es choisi. Un gueulard qui commence par insulter ta mère. Oh, vous disputez pas, maman, c'est pas la peine. Il est parti. Qui est parti? Qu'est-ce qu'elle dit? Il est parti, César. Il nous a quittés. Oui, il est allé. Il est embarqué sur la maladie ce matin. Il est parti pour 5 ans. Et il t'a abandonné, ce voyou, après ce qui s'est passé entre vous. Voyons, César, est-ce que c'est honnête, ça? Mais maman, il serait pas parti si j'avais voulu. Il serait resté à cause de moi. Mais je voyais qu'il souffrait trop. Que cette envie de la mère, ça le tuait. Alors ce matin, je lui ai dit que je ne le voulais plus. Que je l'aimais plus. Je l'ai pas. César est frappé de stupeur. Il reste un long moment muet, puis il se lève péniblement et sort sans mot dire. Panis le suit de loin, très ému. Il traverse la place aux Huiles. Soudain, il chancelle et s'appuie des deux mains sur le bord d'un tonneau. Panis le rejoint. César, mon vieux César. Ah, tu as de la veine de ne pas avoir d'enfant. Hein. Il s'en va vers le bar. Panis l'accompagne, toujours désolé.